Demain. Demain est à réinventer, condamnant l'anthropocentrisme, la vanité, les égoïsmes pour tendre à la fraternité. Demain est à réinventer, prohibant le libéralisme quand il oublie que l'humanisme partage la prospérité. Demain est à réinventer, dans le sillon du panthéisme, bannissant tous les vandalismes issus de nos avidités. Demain est à réinventer en luttant contre le cynisme des tenants du matérialisme qui ne savent que profiter. Demain est à réinventer, abolissant le despotisme dont le sévère dirigisme abolit toute liberté.